Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Claude François, chanteur populaire et légende de la chanson française. On a l'impression que vous faites un numéro absolument survolté qui étonne, du reste. À chaque fois, une performance. Oui, c'est fatigant, mais je m'amuse tellement que je ne ressens la fatigue qu'après. Enfin, sur le moment, je ne me sens pas fatigué du tout. On a l'impression aussi, du reste, que vous allez chaque fois au bout de vos limites. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, oui. J'aime pas sortir de scène et puis me dire, tiens, j'avais encore un petit peu de zouk, j'aurais pu chanter autre chose ou faire autre chose. Quand je sors de scène, c'est terminé. J'en ai pour une petite heure à récupérer. Claude François à l'émission Avant-première en septembre 1964. Son incroyable énergie sur scène, le nombre incalculable de grands succès qu'il a chantés et sa mort tragique à l'âge de 39 ans sont autant d'éléments qui ont participé à la légende qui est devenue Claude François. Aujourd'hui encore, Claude François reste l'un des chanteurs populaires les plus appréciés des Français. Véritable icône de la chanson française, on peut dire qu'il a acquis le statut d'immortel. C'était une quiétude toute bête, toute somnolente au soleil, etc., égyptienne. Et je suis arrivé à Monte-Carlo, enfin au Havre, je suis retrouvé à Monte-Carlo où j'ai passé 6 ans dans un pays, disons, pas hostile, mais enfin dans un pays où on a l'habitude de voir des gens sans argent et qu'ils ont perdu dans un casino. Alors, si vous êtes dans l'embarras, ce qui était notre cas, et que vous arrivez, vous dites, dans l'absolu, on est des réfugiés d'Égypte, aidez-nous, ou n'importe quoi. On dit, oui, on connaît ça, c'est le réfugié d'Égypte, c'est Place du Camembert, c'est à Monte-Carlo, c'est le casino, etc. Il fallait s'en sortir, mon père pouvait pas travailler, il était malade, etc. Enfin, on avait toute la famille qui était pas très bien. Il a fallu que je m'en sorte pour tout le monde. On était 6 avec moi, ça faisait 6. Il y avait 5 personnes à la maison, et il fallait que je fasse tout pour les autres, enfin pour nous tous, puisque c'était bien. Et vraiment, j'étais, c'est comme un cauchemar, j'étais très surprise. Il fallait se rendre compte que le pain, la flûte coûtait en ce temps-là 25 ou 30 francs, que le fromage coûtait, tout ça, ça n'existait pas. Ça m'a marqué, et ça continue, ça me poursuit. Et j'ai toujours peur de retomber vers ça, puis c'est tellement facile d'y retomber finalement, même au sol où j'en suis. Voile sur les filles, et parc sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Oui, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit. Sur sa chanson « Alexandrie, Alexandra », vous entendiez Claude François à l'émission Discorama en 1967 pour nous parler de l'ascension fulgurante de Claude François et de ce qu'il continue de représenter aujourd'hui encore pour les Français. Je reçois la journaliste culturelle et amie de l'émission, Marie-Christine Blais. Marie-Christine Blais, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, c'est beaucoup plus qu'un simple chanteur populaire, Claude François, Marie-Christine. C'est une idole, et ça a été, et c'est toujours une idole en France. Qu'est-ce qu'il représente pour les Français? Sans doute une espèce d'idéal étrange, il faut bien le reconnaître, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un workaholic, Claude François. Il le dit très très bien, je pense dans le premier extrait que vous aviez, c'est quelqu'un qui est doté d'une énergie telle qu'il doit absolument la dépenser complètement et qui va exiger des autres la même chose. Il a un tel succès rapidement à partir de ses débuts en 62, qui va toujours en augmentant, alors qu'il va passer à travers mai 68 et compagnie. Là. Oui. Mais lui, il continue sur sa lignée et il est tellement intense, tellement extrémiste qu'il force l'admiration. Et tout ce qu'il fait qui est très discutable par moments, en tout cas certainement d'après nos critères d'aujourd'hui, oui, plein de choses qui ne passeraient plus, il l'appelle à l'adoration. Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il devient une idole sacrée pour une foule de gens qui le suivent, qui l'adorent, qui le vénèrent. Et ça va rester bien après sa mort. Écoutez, on se parle, puis encore dernièrement, là, hier, il y a un livre qui est sorti où là, il est question de lui. Régulièrement, il y a des révélations à son propos qui ne sont pas toujours glorieuses, il faut le dire. Oui. Mais il est dans l'actualité constamment, ne serait-ce que par ses chansons. Il y a plein de chansons qui sont encore utilisées, soit pour des publicités, des thèmes d'émissions, des références dans les films. Alors, évidemment, il est toujours, entre guillemets, vivant en tant qu'artiste. Et l'une de ses chansons qui est restée et qui, je pense, effectivement, est utilisée comme indicatif d'une émission, c'est celle-ci. Cette année-là, c'est l'un des très grands succès de Claude François. Profitons-en, Marie-Christine Blais, pour parler de sa musique, l'énergie dont vous parliez, si on l'entendait mm-hmm. dans cette année-là. Mais il y a plus qu'un Claude François, mais comment décrire sa musique? Il y a deux Claude François, je dirais. Il y a celui qui est très rythmique. D'ailleurs, si vous écoutez une chanson comme cette année-là, on a envie de claquer des mains. Ouais. C'est presque, ou en tout cas de danser, c'est presque automatique. Et puis, il y a un Claude mélodramatique. Mm-hmm. On va reparler un peu plus tard, mais celui de Le téléphone pleure. Oui. Là, mais là, on est dans l'amas de drames et de larmes. Et entre ces deux extrêmes, qui va constamment maintenir, il réussit justement à se distinguer. Et il ne fait pas du moyen de gamme, Claude mm-hmm. François. Mm-hmm. C'est toujours... Et il a un instinct incroyable. Hein. Il a un flair très fort. Par exemple, cette année-là, c'est une chanson anglaise, « What a Night », qu'il fait adapter en français. Il a un flair semblable à celui de Joe Dassin pour découvrir, repérer les... mélodie très forte, ouais. les chansons qui vont marcher. Et dans cette chanson-là, cette année-là, il évoque sa propre histoire en 1962 quand il débute. Alors, c'est tout ça qui fait que ça marche. En plus, il a un côté extrêmement américain. Une volonté de paillettes, là, et de ouais. le moment du spectacle est magique, sacré. Pendant Confession, on ne fait que ça. Là, et ça devient donc une espèce de... d'icône de la perfection aussi. Ouais. Parlons un petit peu de ses origines, parce que bon, d'abord, oui, on entendait... ça vaut la peine. Ben oui, dans l'extrait du début, en fait, le deuxième extrait qu'on entendait, il en parlait de l'arrivée de la famille en France. L'histoire de Claude François, c'est ça aussi. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Il y en a plein de chanteurs français qui sont passés par là, mais c'est d'abord l'histoire d'un immigrant, d'une famille d'immigrants qui arrive en France, dans son cas, en 56. Oui, donc son père travaille au canal de Suez en Égypte. Il est né en Égypte en 1939, et à un moment donné, il va même... et donc, il mène une enfance dorée. Mm-hmm. Il a des amis, de l'argent. À un moment donné, la famille doit aller vivre avec la grand-mère. Il est dans un quartier plus populaire, mais c'est encore l'enfant prodige. C'est là qu'il va s'initier à la musique. Faut le dire, Claude François est un vrai musicien. Il sait jouer du violon, il sait jouer du piano, il a appris la batterie. D'ailleurs, tout son côté rythmique, c'est de là que ça vient. Il s'intéresse passionnément à la musique. Et là, c'est la déchéance... quand le canal de Suez est nationalisé, toute la famille va être exilée de force, enfin émigrée de force oui. vers la France. Et là, ils vont vraiment connaître la pauvreté, ce qu'ils n'avaient jamais connu. Le choc est tel que son père, d'ailleurs, va devenir malade tant physiquement que psychologiquement. Il ne se remettra jamais, le père de Claude François, de cette espèce de déchéance familiale et sociale. Quand, d'ailleurs, Claude François va annoncer qu'il veut être chanteur, son père ne lui parlera plus, dans le sens de il ne lui adresse plus jamais la parole, parce qu'il considère que c'est ajouté à la déchéance de son clan. Et donc, c'est de tout ça qu'il souffre et qui, comme d'autres chanteurs avant lui, je pense à Moustaki qui est né en Grèce, lui aussi, Aznavour qui a des racines arméniennes, ouais. Adamo et Hallyday et Brel qui viennent de Belgique, ils doivent faire leur preuve encore plus que les autres. Ils vont essayer vraiment de les surpasser tous autant que faire se peut, bien sûr. Et il va donc peu à peu faire de la chanson parce qu'il aime ça. Parce que son énergie débridée, là, tous les témoignages coincés de « il est né et il était énergique, cet enfant-là ». Alors, ouais. ça il continue. Il le fait par nécessité aussi. Cette pauvreté doit faire vivre la famille, il le disait. Là, il doit faire vivre la famille. Il a travaillé dans une banque pour se rendre compte qu'il était malheureux comme c'était pas possible. Donc, le soir, il va jouer avec ses copains, il fait partie de groupes. Il va aller, à un moment donné, dans le sud de la France, vous savez, dans les espèces d'hôtels chics où il va devenir musicien. C'est là qu'il va rencontrer, par exemple, Brigitte Bardot et Sacha Distel, qui l'invite à monter à Paris pour tenter sa chance parce qu'il a du talent, parce mm-hmm. qu'il a quelque chose, parce qu'il a un timbre de voix très particulier. Il y a peu de gens qui ont ce timbre de voix-là, très, très j'allais dire serré, mais c'est très tenu. Ouais. C'est à cette occasion, quand il monte à Paris, d'ailleurs, qu'il connaît un autre, quelque chose qui va le marquer beaucoup. Il a épousé entre-temps une jeune Anglaise, Janet, et Janet tombe amoureuse de Gilbert Bécaud, quitte Claude François pour Gilbert Bécaud, et Claude François ne le prend pas. Et encore là, tous les témoignages à l'époque coïncident. Il est d'une jalousie maladive. C'est quelqu'un qui est un control freak, là, qui veut absolument avoir la maîtrise de tout, tout le temps. Ouais. Très narcissique, mais très travaillant. Ouais. Et l'un n'excuse pas l'autre, là, mais ça participe de sa dynamique personnelle. Ouais. Et très ambitieux, et cette recette-là, tout ça, vous mêlez tout ça ensemble, puis évidemment, ça donne un succès rapide et fulgurant, on y revient, et un premier très, très grand succès qu'on écoute tout de suite. Un jour, mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie. C'est avec la chanson « Belle, belle, belle » que Claude François connaît son premier grand succès, Marie-Christine Blais. On l'a compris, c'est du yéyé. On est en plein délire, yéyé, à l'époque. Oui. Et c'est par là qu'il commence sa carrière. Oui, on est en 62, et puis, il adapte en français cette chanson-là qui est de Phil Everly, des Everly Brothers, et ça va vraiment connaître... il impose sa chanson, il fait le siège de l'émission « Salut les copains » jusqu'à ce qu'ils acceptent de jouer sa chanson, jusqu'à ce qu'ils acceptent de rejouer sa chanson, tant et si bien que la chanson devient la chanson chouchou de la semaine, et c'est comme ça qu'il va connaître un vrai succès. Si vous avez l'occasion, amis auditeurs, allez regarder le scopitone de cette chanson qui a été fait par Claude Lelouch, où on voit Claude François dans la neige avec des filles en robe chanter « Belle, belle, belle ». C'est surréaliste complètement. Mais ça donne une idée de sa volonté d'être brillant, d'être différent. Et même si c'est absurde, ça marche. Ouais. Ça marque l'imagination. Et c'est parti à ce moment-là. Les succès commencent à se succéder, justement. Scène. Les Olympias, oui, également, le fric. Tout est là. 65, il y a quand même... c'est un moment marquant, une année pivot pour lui. C'est à ce moment-là qu'apparaît ce qu'on pourrait appeler le personnage Claude François, oui, Marie-Christine. Tout à fait. Il se trouve qu'il va visiter Las Vegas avec quelques-uns de ses amis. Et il voit les spectacles de Las Vegas. Il voit les paillettes. Il voit les chorégraphies. Il voit les danseuses. Il voit cette espèce de technique très, très militaire pour faire un spectacle rodé au quart de tour. Et il a la révélation. C'est ce qu'il va faire. C'est quelqu'un qui, vous l'avez dit, qui est très ambitieux, qui déjà, alors qu'il a quoi, 24-25 ans, a acheté un appartement à Paris dans le 16e, a acheté son fameux moulin de Danemois, là, au sud de Paris, où il va passer tous les week-ends entouré d'une foule de gens. C'est quelqu'un qui a déjà fait plusieurs Olympias. C'est aussi, à l'époque, quelqu'un qui sort avec France Gall. Oui. Et France Gall, qui a 17 ans, alors que lui en a 25. Et toute cette période-là va contribuer à former un être capable d'avoir donc une vie, comment dire, de pacha, parce que quand il est au moulin, ce qu'il fait, c'est recréer la vie qu'il avait en Égypte, hein, en quelque sorte, ouais, et en même temps, une vie d'entrepreneur extrêmement doué. Ouais. Extrêmement doué. On y reviendra, mais il va carrément, quelques années plus tard, créer une espèce de modèle oui, d'affaires. Mais il y aura évidemment ce moment très, très important juste avant de voir poindre cet homme d'affaires redoutable. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Avec la chanson, comme d'habitude en 67, c'est la consécration. Racontez-nous l'histoire formidable de cette chanson, Marie-Christine Blais. Au départ, ce n'est pas un méga succès. C'est une chanson qui marche bien, composée pour la musique par Jacques Revaux et faite avec le parolier Gilles Thibault. Et Claude François ajoute quelques mots ici et là, quelques notes ici et là. Et c'est une chanson qui, en principe, les théories s'opposent, parle de sa rupture avec France Gall après 3 ans de relation extrêmement intense, où d'ailleurs, en fait, France Gall est partie parce qu'il veut qu'elle cesse d'être chanteuse pour se consacrer à sa carrière à lui. Ben, alors, ça passe pas très bien. Donc, elle part, et cette chanson parle justement d'un couple qui ne s'entend plus. Ma chanson marche bien, sans plus. Mais Paul Anka, notre Paul Anka canadien, lui a une épouse française à l'époque, enfin toujours, c'est son épouse française d'ailleurs, et entend cette chanson, trouve la mélodie admirable. Frank Sinatra lui a demandé à Paul Anka de lui écrire une chanson ou deux, parce que justement, il songe à quitter le métier. Et Paul Anka a cette idée, tiens, prenons cette magnifique mélodie et chantons la fin d'une carrière ou un bilan de vie d'un homme. Ça va devenir My Way, qui, elle est vraiment un succès là, phénoménal. Encore à ce jour, je pense qu'elle est dans les 3 chansons les plus populaires au monde avec le boléro de Ravel et La vie en rose d'Édith Piaf, là, pour vous donner une idée. C'est vraiment une chanson. My Way est reprise par tout le monde. Ouais. Par tout le monde. De Nina Simone aux Sex Pistols. Tout le monde a fait sa version. Et bien sûr, Elvis Presley l'a fait aussi. Ça devient même un espèce de poids pour Frank Sinatra, qui est un peu tanné de la chanter, mais bon. Ouais. 67, cette chanson, comme d'habitude, et la même année, on arrive à cet entrepreneur dont vous avez commencé à nous parler. Il prend toutes ses affaires en main, Claude François. Oui. Et là, vraiment, bon, il y a ce côté entrepreneur, mais il y a aussi ce côté maniaque, créateur, hyper perfectionniste. Ah oui. Il va donc fonder sa propre maison de disques, sa propre maison d'édition. C'est très rare à l'époque. Et c'est un maître, donc, de la microgestion. Il va envoyer des dizaines de notes de service par jour pour dire à ses collaborateurs qu'est-ce qu'il doit faire, là, de son col qui n'est pas bien placé à quelque chose de beaucoup plus important dans un contrat. Il n'arrête pas, mais il va créer comme ça parce qu'il est hyper perfectionniste, parce qu'il est complètement maniaque, là, il faut bien le dire. Il y a quelque chose de très moderne dans une façon une espèce de mainmise sur toute sa production. Alors, à l'époque, il va aussi faire, par exemple, un fan club. Il va racheter un magazine Podium qui va devenir tellement populaire qu'il va littéralement tuer des magazines comme Salut les copains, qui était pourtant très, très populaire. Il va créer un magazine léger pour hommes avec des photos de très jeunes femmes, car faut le dire, Claude François s'intéresse surtout à la jeune femme de 17-18 ans et même un peu plus jeune. Il n'arrête pas. Et à travers ça, il fait des centaines de spectacles et des centaines d'apparitions à la télé. Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres sont de leur papa, pas moi. Oh, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Mon enfant. Ah non, moi j'ai 5 ans. Mais dis, tu la connaissais ma maman avant? Pourtant elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie je t'aime, les mots se meurent. Dans les années 70, Claude François enchaîne les succès les uns après les autres, Marie-Christine Blais, et parmi eux, bien sûr, ce qu'on vient d'entendre, Le téléphone pleure. Le plus grand succès instantané de Claude François. Il en vendait 80 000 exemplaires du 45 tours tous les jours quand c'est sorti. Et à ce jour, on pense qu'il y a à peu près 3 millions de 45 tours de Le téléphone pleure qui se sont vendus dans le monde. Quand je vous disais tout à l'heure, cette espèce de veine mélodramatique pour laquelle il a vraiment un don. il se croit complètement dans son histoire. Il raconte que, ah, bon Dieu. Et il faut le dire aussi, c'est une des premières chansons sur les séparations, les divorces, qui commencent à être vraiment un phénomène important en Occident à l'époque. Il y a très peu de chansons qui parlent de ces réalités-là. Donc, la voix de la petite fille, en plus. Écoute, ça, ça marche à tout coup, c'est sûr. Mais c'est le don, encore là, de Claude François pour sentir quand est-ce qu'il faut peut-être changer à un moment donné. Il va aller vraiment du côté disco, quand la disco va vraiment devenir populaire. Parce que, justement, on entendait Alexandrie, Alexandra au début de l'émission. Ouais. Il a le don de sentir quand le vent tourne. Quand est-ce qu'il faut qu'il change un petit peu de quelque chose pour être tout à fait dans l'air du temps? Et puis, c'est un travailleur acharné, je vous le rappelle. Il fait des tournées. Il vient au Canada, par exemple, en 70-71. Mais il a fait aussi 3 tournées en Afrique dans ces années-là. Vous rendez-vous compte de ce que ça voulait dire à l'époque? Ah, le feu roulant. Et tout ça s'arrête abruptement le 11 mars 1978. Il meurt très jeune, prématurément, accidentellement. Et c'est le début de la légende. C'est le début de la légende, parce qu'en plus, il a échappé à la mort plusieurs fois auparavant. Il y a eu des accidents d'auto. Écoutez, il a échappé de justesse à un attentat à la bombe à Londres. Sa voiture a été l'objet de tirs nourris. C'est incroyable, sa vie. Et c'est ça, un matin, il avait envoyé une note de service à propos de sa lampe. Mais comme il en envoie des dizaines et des dizaines, tout le monde ne se rend pas compte qu'il faut s'occuper de cette fameuse lampe qui est au-dessus de son bain. Et il essaie de réparer lui-même la lampe. Et il s'électrocute à 39 ans, de façon à la limite quasi ridicule, parce que c'est un peu bizarre cette façon de mourir. Et là, sa mort jeune, alors qu'il est encore blond, en forme, capable de faire des spectacles qui n'en finissent plus, impeccables, ça fait de lui une espèce de figure un peu messianique, d'une certaine forme, de façon de concevoir le spectacle. Marie-Christine Blais, journaliste culturelle, amie de l'émission, merci beaucoup. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Ça s'en va et ça revient.